Chapitre 5. Le roi à l'Assemblée. La lutte était-elle encore possible? Parmi les historiens et les témoins survivants de cette journée, plusieurs ont dit que si le roi, inspiré par un de ses élans familiers au prince de sa race, était monté à cheval, avait tiré l'épée et se fût précipité la poitrine découverte au-devant de l'émeute, il eût rallié ses défenseurs, affermi les courages ébranlés, fait rougir les lâches et les traîtres. Qu'il eût facilement raison des bandits de Santerre et de Westermann, et qu'en une heure il eût reconquis tout le terrain que la royauté avait perdu en 3 ans. D'autres affirment que, tout point d'appui lui faisant défaut, il eût tout au plus réussi à mourir. Mais Louis XVI n'était pas fait pour ses inspirations à la Henri IV ou à la Condé. Au 20 juin, avec une force surhumaine, il avait résisté à la foule. Et ce jour-là, a dit Edgard Quinet, il fut plus grand que ce monde déchaîné contre lui, et qui ne put lui arracher un aveu. Au 10 août, il subit la pression de l'émeute. Il oublia que le roi de France est avant tout un soldat, et que pour défendre sa couronne, Dieu lui a remis une épée. Protégé par des détachements de gardes nationaux et de gardes suisses qui formaient la haie des Tuileries à la salle du manège, précédé de Roderer et des membres du département, suivi du dauphin, de la reine, de Madame Élisabeth, de Madame Royale, de Mesdames de Lamballe et de Tourzel, de ses ministres auxquels étaient joints quelques serviteurs fidèles, Louis XVI se dirigea vers l'Assemblée. 8h30 sonnaient aux horloges voisines. L'air était calme et pur. Le soleil, projetant ses rayons sur les statues de marbre et les plates-bandes de fleurs, brillait comme pour un jour de fête. Les allées suivies par le cortège étaient déjà encombrées de feuilles desséchées, que le jeune dauphin s'amusait à pousser devant lui ou à rassembler sous les pas de sa sœur. « Les feuilles tombent de bonne heure cette année, dit le roi. » On connaît ses paroles au moment où il pénétra dans cette enceinte, qui fut moins pour lui un asile que le vestibule de la prison et de l'échafaud. « Je suis venu ici pour éviter un grand crime. » Hélas, le crime n'était qu'ajourné. Et par une décision cruelle du sort, la même voix qui lui promit solennellement le concours et la fermeté de l'Assemblée nationale pour défendre les droits constitutionnels de sa couronne, la voix de Vergniaud, devait se faire entendre quelques heures après, pour prononcer contre lui un arrêt provisoire de déchéance, et 5 mois plus tard, un arrêt définitif de mort.